Activité 1. Réagir. Activité 4, 5 et 6. Excusez-moi, mademoiselle. Votre passeport, s'il vous plaît. Quel est votre nom ? Natacha Dupuis. Vous habitez où ? À Toulon. Vous avez quel âge ? 30 ans. Vous venez d'où ? De France. Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac ? Un porte-monnaie, un casque, une brosse à cheveux, un appareil photo, quelques euros, un téléphone, Vous avez une bouteille ? Ah oui, une bouteille pour des amis new-yorkais. Désolé, c'est interdit. Et vous, monsieur, vous avez quoi dans votre sac ? Moi, j'ai un ordinateur et deux livres. Ah, et votre bébé ? Lui, il n'a pas de sac.